Être évacué. Aussi les fardeaux, des inquiétudes et des problèmes interminables, des conflits de voisinage, des conflits de relations, tout ce qui nous alourdit doit être évacué, car nous sommes dans l'attente d'un grand miracle, le miracle de l'enlèvement. Et pour monter là, il nous faut être léger. Il ne faut pas avoir des kilos. des pesanteurs qui tirent vers le bas, des conflits qui traînent pour être réparés, de l'inimitié qui n'a fait que trop durer. On ne se parle pas avec tel autre là-bas. On ne sait pas se regarder face à face. Tous ces fardeaux doivent être évacués. Nous nous préparons à un grand miracle. C'est le miracle de l'enlèvement. Dans Hébreux chapitre 12, Dieu a dit au verset 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Longola di pekiseli yonso pe masumu majali kukanga biso. Kukota na itinja na imekaneli na mbango itame liboso na biso. Alors, pour mieux courir, il faut être sans fardeau. Pour apportir malamu tenko zanga bozito. S'il y a un fardeau à porter, ça doit être celui que Jésus nous impose. S'il y a une attitude adoptée, ça doit être celle que la parole oblige. Et le Seigneur nous a dit, vous le savez, que mon fardeau est doux. Ça ne fait pas compliquer la marche ni la course. Quand tu portes sur toi le fardeau de Jésus, alors tu vas être à l'aise dans la marche. Tu iras plus vite que le monde. Et tu monteras là au plus haut que les églises nationales. Matthieu 11, verset 29. Il a dit ça. Canon, le verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai des repos. Promesse merveilleuse. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Zambingai na jali na bopolompe motema mosokemi bokozwa kotema pona milimo na bino. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Kote ekangaleli na ngai ejali na botau pe kogumba na ngai ejali na bozitete. Jezama de priya. Père de sainteté, nous t'adorons pour ce moment. Tu entends nos prières. Tu es avec nous ici. Nous ne sommes pas venus pour nous ennuyer, même pas pour nous fatiguer. Mais nous sommes venus tels que nous sommes. Devant toi, le libérateur. Devant toi, notre paix véritable. Devant toi, notre raison d'être. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Qu'il soit glorifié dans nos cœurs. Dans l'église, et que cette exhortation fasse du bien dans nos âmes, ça les touche la cible, pour nous rendre conscient de l'imminence de ton retour et de la nécessité d'un déchargement complet. Ne pouvons pas nous trimballer avec des soucis, nous trimballer avec des inquiétudes, trimballer avec de la timidité, ou avec beaucoup de barrières diverses, mais nous voulons aller souplement, courir dans la carrière qui nous est ouverte. Oh Seigneur, en cancel et confirme ta parole. Exhorte-nous mon Dieu, pendant ces quelques minutes, au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire, nous prions. Amen. Asseyez-vous un moment. Nous allons dire quelques paroles d'exhortation. Effectivement, Jésus revient. Et il nous faut être prêts. Qui dit Amen. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Et il nous faut être prêts à tout instant. des questions qui s'est passé au temps de Noé, arrivé l'appareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Nous y sommes très proches. Dans les sermons, la jonction du temps. La jonction du temps, prêché le 15 janvier 1956. Noé travaillait. Non seulement il était Noé, non, il accomplissait un miracle. Ou attends, il attendait aussi un miracle. Noé. Il attendait aussi un miracle. Et ce miracle était un grand signe pour lui, vous savez. L'enlèvement d'Enoch. C'était un grand signe pour montrer que le temps était proche ou la destruction ne veut pas. Mais il savait que lui n'allait pas être enlevé. Mais il y avait un frère qui se préparait pour ça. Il y avait la révélation qui sera enlevée. Et son frère était de la lignée d'Adam. Il n'était pas de la descendance de Caïn. Son frère là avait une parenté avec Noé. Et Noé surveillait Enoch. Dès qu'il a vu Enoch être enlevé, pour lui c'était fini. Il savait que la destruction tant annoncée par Dieu va bientôt s'arrêter. C'est de la même façon les églises dénominationnelles surveillent l'église de Dieu. Ils surveillent l'ordre de l'église du message. Donc s'il y en a qui font des faux pas, les dénominationnels les récupèrent et peuvent les molester comme pas possible. Et vous qui avez dit Et cette dénomination vous observe. Vous êtes croyant du message. Toi qui t'appelles frère. Toi qui t'appelles une sœur. J'identifie à son message. Ne dis pas n'importe comment. Parce que les dénominations t'observent. Ils veulent voir en toi l'exemple parfait. Ils veulent voir par ta vie l'exemple d'un homme irréprochable. Chaque fois que tu ne réponds pas sur des filles là, parce que tu jettes une pierre d'achoppement sur leur chemin, et le sang de ces gens qui vont s'endurcir à cause de la mort de vie, Dieu te le demandera au jugement de l'église. Parce que tu auras empêché plusieurs de croire le message. Tu as été pour leurs âmes une pierre d'achoppement. J'aimerais que tu prennes conscience des fortes responsabilités que Dieu te confie par son message que tu crois. Ce sont les lourdes responsabilités. Mais quand tu aimes le Seigneur, ce joug-là est doux et léger. Mais quand tu n'as pas véritablement l'amour de Dieu, ça paraît très compliqué pour toi. Mais entre les deux, choisis le moindre, Je choisirai d'aimer Dieu. Alors le fardeau de Jésus sera doux pour moi. C'est avec plaisir que je l'ai porté. Et c'est avec aisance que je courais vers le but de la vocation. Et l'église aujourd'hui, alors qu'elle succombe sous le poids de la prédication de l'évangile, avec des signes et des miracles qui accompagnent, elle se prépare pour un miracle. Qui dit amen? Qui se prépare vraiment pour ce miracle? L'église aujourd'hui, elle se prépare pour un miracle. Voyez, il y a des doigts qui ne se lèvent pas. Il y a des gens qui consciemment savent qu'ils se préparent. Ils ne se préparent pas. Réjoignez-vous. Rejoignez-nous, préparez-nous. L'église aujourd'hui. Alors qu'elle succombe sous le poids de la prédication de l'évangile. Avec les signes et les miracles qui accompagnent. Elle se prépare pour un miracle. Quel est ce miracle? L'enlèvement de l'église et le retour à la maison. Nous nous préparons sérieusement pour ça. Elle prépare les gens. C'est pour ça que nous vous prêchons. C'est pour ça que nous vous avertissons. C'est pour ça que nous vous parlons. Elle prépare les gens. Et les rend légers. Notre mission, notre travail, nous l'Église, c'est de vous préparer et de vous rendre légers. Alors, écoutez-nous, non? Obéissez à l'Évangile que nous prêchons. S'il vous plaît, écoutez-nous. Ceux qui sont de Dieu, nous écoutons directement. Faites ce que nous vous prêchons. Soyez légers parce qu'il y a un départ qui vient. Il ne faut pas vous trimballer avec tant de colis. Ne soyez ni problématique ni compliqué. Faites-vous léger pour le départ. Payez vos dettes, il est faux. Il ne faut pas qu'il y ait des liens qui vont tirer. Quand je commencerai à essayer de vous tirer vers le haut. Quelqu'un m'a dit non, il a mes dettes. Pas lui. Tu peux enlever les autres, mais pas lui. Il a mes dettes. Qui n'a pas payé. Oh, il faut pas qu'il y ait des présenteurs qui tirent vers le bas. Mettons nos vies en ordre. L'église, elle prépare les gens. Elle les rend légers. Alors, imaginez quelqu'un qui s'attend à être enlevé, mais qui continue à fréquenter une église qui l'alourdit. Le moyen principal par lequel Dieu nous prépare, c'est la prédication. La parole prêchée, c'est le moyen principal. Je ne parle pas des histoires entre les membres de l'église. Ça, vous en aurez partout. Des gens qui ne se parlent pas, des gens qui vont à l'église, qui ne savent pas ce qu'ils vont chercher là-bas. Ils passent pour dénigrer un tel, pour se faire des inimités avec l'autre. Ça, vous en aurez dans tous les groupes. Mais c'est qui doit vous aider. C'est l'évangile de liberté. Le Seigneur a dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. On ne doit pas placer sur vous un autre fardeau que celui que le Seigneur impose. On ne doit pas exiger de vous autre chose que ce que le Seigneur lui-même exige. Prenez sur vous. Même Esther, hein, quand il s'est préparé pour te choisir par les mois, elle n'avait plus que ce qui était exigé. Ce qui était nécessaire. Selon les directives données aux surveillants des femmes chargées de leur préparation. Les directives venaient du roi. Et c'est le roi qui devait opérer les choix. Et il devait choisir en fonction de celles qui étaient prêtes. Si j'étais préparé fidèlement, en ayant obéi aux directives précises, pas aux impositions et aux dictatures des hommes. Un veut que ce soit comme ça, et l'autre veut que ce soit comme ça, et sa manière de voir veut que ce soit comme ça. Ce n'est pas tout ce travail-là. Veux qu'il te soit mon ami. C'est seulement ce que le Seigneur a exigé. Ne prends que la parole. Ne prends que la parole. Pas autre chose. Ne soutiens que la parole. Car souvenez-vous de Rebecca la Vierge. Elle était le type de l'église. Quand Eliezer l'a pointé. Eliezer a pointé. C'était pour le casser. Il a dit pour les alléluia. On l'a choisi à cause de la femme qui acceptera ma demande d'eau. Moi, si vous accueillez ma, et qui répondra par un caractère appréciable. Une hospitalité légendaire. Une courtoisie exceptionnelle. Vous en avez pour vous, qui aura la touche surnaturelle. Pour saisir la profondeur de la prière de mon cœur. Alors que ces lèvres ne l'ont pas entendu. Mais qui aura en elle cette profondeur. Pour connaître le secret de mon âme. Eliezer était le Saint-Prichien de Christ. Et celui qui propage son message. Mais le message progresse. Non par l'œuvre du Saint-Prichien. Et celui qui traite avec les prophètes. Au sujet de cette préparation. Eliezer a parlé au père. Que la femme à qui je demanderai de l'eau. Et il répondra par son caractère distingué. Je donnerai de l'eau à toi. Et aussi à tes chameaux. Que ce soit celle que toi tu as destinée. À Isaac le type de Christ. Vous devez avoir le caractère de la parole. Rien d'autre que ça. Ce que Dieu attend de vous, c'est la personnalité de la parole. Ce que Jésus-Christ attend de chacun de vous, c'est la personnalité de la parole. Alors, Bongo. Le même chameau que Rebecca avait abreuvé. Oui, Rebecca, mais le même chameau que Rebecca avait fait boire, qu'il a alimenté, qu'il a soutenu, c'est le même chameau qu'il avait transporté jusqu'à dans la présence d'Isaac. Mais soutenez que le message. Mais soutenez que la parole. Et la même parole que tu soutiens maintenant. Par tes amens et ton obéissant. Par ton caractère de la parole. La même parole que tu soutiens. C'est la même parole qui te transportera jusqu'à la rencontre du Seigneur dans les faits. Tu dis Amen honnêtement. Oh, moi je dis Amen. Je ne soutiendrai que la parole. Et la parole est venue au prophète. C'est un premier prophète. Et nous en avons eu dans cette âge. Nous croyons à son message. Car avant de faire quoi que ce soit, Dieu envoie toujours un messager. Un prophète. Préparer les choses. Pour établir les choses. Louange à Jésus-Christ. À et l'église aujourd'hui, alors qu'elle succombe sous le poids de la prédication de l'évangile, avec des signes et des miracles qui accompagnent, elle se prépare pour un miracle. Au point, l'enlèvement de l'église et le retour à la maison. Toi aussi, prépare-toi. Rejoignez-nous. Elle prépare les gens. C'est les rangs légers. La prédication de la parole doit t'assouplir. La prédication de vérité doit te délivrer. C'est tout ce qui continue à t'embêter, à te tourmenter, à te tracasser. Je veux que tu sois libre. Que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé. Que tu prospères l'état de ton âme. Que la parole fasse prospérer ton âme. Que tu dis je veux ça. Que toi les croyants acceptent ça. Fusionne ta volonté avec la volonté du Père. Je veux ça. Que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Il veut que tu sois en bonne chance. Au plan spirituel. Au plan moral. Au plan physique. Amen. Acceptez ce que lui veut. Pour que votre caractère est son caractère. C'est la préparation. L'Église prépare les gens. Elle les rend légers. D'échanger des choses du monde. Oh, le mèche, le plant, mèche à froid. Les plantes cabello. Ce sont des choses du monde. Notre mission en tant qu'église. Déchargé de tout ça. Amen. Oh, les produits de défrisage. Wana de salé là pour faire une cassouki. Mais la parole est claire, non? Il aurait dû poler la vérité. Rendez vos cheveux naturels pour le faire. Mais pas que la souki n'a même le lingue dans ma clairement. Amen. Ils peuvent dire amen à la vérité. Mais les gens qui ont fait les bons la solo. Et les produits de défrisage, c'est maintenant prouvé. Il y a un grand établissement. Ils étaient ça comme pour la cancer. Parmi les causes du cancer des seins. Où ils allaient couper sa cancer et madame. Ils allaient dans des salles et dans des salles et dans des salles. On en parle maintenant. Vous allez couper un mot ça, ça y est. Bien, mais écoutez notre message. Baling, avibino, vous voyez pas ça, mon abuso. Amen. Il y a quelques temps ici, on a parlé contre les hydroquinones. Quand vous êtes là, vous avez la vidéo, vous allez couper les sacs de choco. Les éclaircissants et tout ça. Mais ça ne voulait pas dire. Vous voulez m'exagérer. Nous allons vous décharger de femmes. Si je fais esclave de la terre brûlée, alors que ça soit loin comme une brèche. Rapporte à sa nature. Voilà. Ne convoitez pas la ceinture de quelqu'un d'autre. Oh, ne convoitez pas les cheveux des femmes blanches. Oh, Dieu ne vous a pas fait femme blanche. Amen. Oh, je suis noir, mais je suis belle. Mais c'est écrit dans les cantiques de cantiques. Chapitre 1, verset 5. Ne prenez pas garde à la teinture de ma peau. C'est le soleil qui m'a brûlé. Alors, déchargez-vous. Les choses du monde. Les cigarettes. Vraiment, graisser, peut fumer les cigarettes. Oh, boire juste un peu, c'est pas si grave. C'est pas compliqué. Juste un petit verre social, non? Ce sont les fardeaux génitiles. Ne pisez pas. Vous mélangez. Amen. Arrêtez de boire. Vous poussez à comme là. C'est ça notre message. C'est le message du Naziréen. Qui prêche le feu du Naziréen. Nous sommes consacrés pour le Seigneur. Nos corps, nos esprits ne nous appartiennent pas à nous-mêmes. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Il a payé un grand prix. Le prix de son propre sang. Pour libérer de l'esclavage du péché. C'est l'esclavage des choses du monde. Les choses du monde. Évacuer les fardeaux. L'église, elle prépare les gens. Mais quand vous voyez l'église qui se dit des messages, mais comment ça vous encourager à défriser les cheveux? Au lieu de vous préparer à l'enlèvement, on vous prépare au cancer des seins. En venant vous faire croire que non, et des frisages. Oh, c'est pas interdit. Où est le message? Les prédicateurs aveugles. Allez là où vous serez déchargé. Pas là où on va vous décharger. Et des maladies qui deviendront des problèmes. Amen. Que Dieu soit béni. Dans la femme de la main. Oui, au Canadien, alors. L'église prépare les gens. Et quand vous allez comme un sabato. Oh, ce côté moi, boum, le doigt, ça m'a bêté. Il y a mon message, il y a mon côté d'Israël. Tu manques à prêcher ou quoi? Je parle de ce que je sais. Moi je ne suis pas comme ça. Moi j'ai les questions de réponse, c'est les questions de réponse. Je ne suis pas comme ces gens-là. Toi tu viens, tu prépares les gens à attraper le cancer. C'est la mission que tu as récité qui? Tu viens préparer nos soeurs à attraper le cancer. Alors le bonheur de... Conseil. Ceci n'est pas mauvais. Vous allez m'abaisser. Si tu bois un peu, et puis. Donc, mais quand tu bois, c'est la cirrhose du sang qui va. Mais vous allez vous prendre un avis. La parole va détruire là-bas. Le tabac, la cigarette, va donner le cancer de poumon. C'est prouvé. Le cancer bronchogénique BCG. Donc, la nicotine a du tabac. C'est responsable. Vous allez m'abaisser. Et même l'OMS a obligé à L'église doit rendre les gens légers. Que ceux qui aiment le Seigneur disent Amen. Que ceux qui aiment son avènement disent Amen. Si ma awa, aucun de ceux qui ont eu un après tout, ces frères David là exagèrent, non? Il y a des prédicateurs dans le monde que lui. Pourquoi lui, il se prend pour qui? Disons-nous la vérité. La parole est là. Obéissez au message. Ne mettez pas sur vous de fardeaux inutiles. L'écriture dit tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Parce que c'est la tine à vous tout est permis. Mais je là. Ne me laisserai pas à servir par quoi que ce soit. Je ne choisirai pas de devenir esclave de quoi que ce soit. Soyez libres. Vous allez ensemble. L'église prépare les gens. Et que le les rend légers. Échanger des choses du monde. Et place leurs âmes dans la présence de Dieu. Afin que quand Jésus apparaîtra pour la seconde fois dans la gloire, ceux qui seront prêts soient enlevés et pris tous ensemble dans les airs pour être avec nous. Amen. Voilà notre travail en tant qu'église. C'est préparer les gens à ça. Et Dieu nous aide à aimer ça. À ne pas préférer le compromis, le terrain avec le péché. Namasumu. Ce qui est mal est mal. Ce qui est bien est bien. Ne prenez pas d'autres jours que celui que le Seigneur nous oblige. Amen. Donc pourquoi crier parle? Pourquoi crier parle? Pas prêché en 63, mais celui qui était prêché en 1959 avant. C'est intitulé pourquoi crier parle. Ou en d'autres termes, synonyme, l'attitude envers loin de Dieu. Wow. Pourquoi crier parle? L'attitude envers loin de Dieu. Quelle est ton attitude envers loin de Dieu? Tu veux te mettre à crier, à parler dans les ordres. Prenez la bonne attitude envers loin de Dieu. Les gens de Dieu nous écoutent. Parce que nous-mêmes, nous sommes des dieux, dit la Bible. Et ceux qui sont des dieux, nous écoutent. L'attitude envers loin de Dieu. Paragraphe 29-30. Je termine par ça. Jésus a dit, les œuvres que je fais, c'est lui qui croit en moi. Vous savez, Saint Jean 14, il dit verset 7. Jean 14, verset 12. C'est lui qui croit en moi, C'est là aussi le simple que je fais. C'est lui qui croit en moi. Personne ne peut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Personne ne peut véritablement croire que Jésus est le Fils de Dieu avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Vois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Nous allons continuer à dire que Jésus est le Fils de Dieu. Même les dénominationnels visiteurs vont lever les doigts. Mais en vérité et d'après la révélation, personne ne peut croire Jésus-Christ est le Fils de Dieu avant d'avoir reçu le Seigneur. À cette question-là, ceux qui devraient répondre par l'affirmation, c'est essentiellement ceux qui ont déjà reçu le Seigneur. Maintenant, toi qui sais que tu l'as, considère que chaque fois que tu te dis je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est une conception mentale que tu répètes à la manière d'un perroquet qui ne saisit pas les contours de ce qui s'est dit. Le jour où tu recevras le Saint-Esprit, c'est alors que tu croiras véritablement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Moi, je suis déjà baptisé. Comme l'Éthiopien. Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche? Si tu crois de tout ton cœur, si tu ne crois pas l'Éthiopien, l'Éthiopien répond. Yalobi. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Philippe a arrêté le chat. Philippe, oui, il est descendu. Il est allé plus loin, le Saint-Esprit l'a arrêté. Moi aussi, je crois comme ça. Jésus-Christ le Fils. Maintenant, vous voulez dire que le Saint-Esprit. Les personnes peuvent dire, comme je crois comme ça, donc j'ai déjà le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience par laquelle un homme doit passer. Quand vous ne l'avez pas, vous ne l'avez pas. Quand vous ne faites que fabriquer, ce ne sont que des illusions. Ça n'amènera pas Dieu à reconnaître que ce que vous avez fabriqué vous-même. C'est Dieu qui les donne. Quand il ne vous l'a pas donné, vous ne l'avez pas. Amen. C'est ça la vérité. Yangwarasolo. Personne ne peut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Vous ne recevez pas la chose que par la foi et en l'acceptant. Vous voyez, de manière intellectuelle, imaginaire. Vous ne pouvez pas dire que c'est ça. Vous pouvez dire je crois que c'est soi. Ça vous pouvez dire de votre bouche. Mais personne ne peut appeler Jésus le Christ tant que le Saint-Esprit n'est pas en lui. Le Saint-Esprit doit entrer d'abord. Ensuite, il rend témoignage. Il doit entrer. Il entre en vous d'abord. Et ensuite, il rend témoignage. Vous êtes personnellement convaincu que Jésus est le Christ parce qu'il vit en vous. C'est à ce moment-là que vous êtes personnellement convaincu. Sinon, un jour vous allez croire que c'est William Branham qui est le Christ. Tant qu'il ne vit pas encore à vous, à une époque vous direz Jésus est le Christ, à une autre époque vous prétendrez avoir reçu une soi-disant révélation, vous finalement dites c'est plutôt William Branham qui est le Christ. Des bêtises en bêtises. Méfiez-vous. Vérifiez votre expérience. Nous sommes en train de nous préparer. Vous allez comme un miracle de l'enlèvement. En matière de foi, mettons les points sur les i. Ne marchons pas avec une confession verbale. Le simple discours creux. Vous avez appris à répéter. Mais il faut que ça devienne la vie réelle dans le cœur. Le Saint-Esprit au-dedans. Alors, ce même Saint-Esprit se présente aux gens. Et voici les miracles qui accompagnent vos scrupules. Et l'Église rit de lui et c'est pour lui. Nous vivons juste dans ces jours-là. L'atmosphère devient tendue. À cause d'une bombe atomique. Vladimir Poutine, Joe Biden. Volodymyr Zelensky, voilà les noms qui sont à la mode aujourd'hui. Russie, Ukraine, États-Unis, OTAN. Les histoires. Alors, l'atmosphère devient tendue à cause d'une bombe atomique. À cause du jugement. L'Église se prépare. Pour l'enlèvement. Toi aussi? Faire la grâce. Nous te préparons. Nous voulons te mettre sur l'orbite, la bonne route. Et de là, évoluer et courir plus tard. Le monde tremble. Mais voyez, l'Église se prépare pour un enlèvement. Nous sommes dans l'attente, dans l'expectative, dans l'attente. L'Église attend la venue du Seigneur. Le monde tremble. Il se demande qui le premier lancera la bombe sur l'autre. Cela nous importe peu. Qui arrivera là. Nous allons ici. Nous allons là-bas. Nous voulons pas. Qui est allé actionner la bombe? Qui est allé actionner la bombe? Ça nous importe peu. Concentrons-nous à notre préparation. Pour le miracle de l'enlèvement. Donc, peu importe ce qui arrivera là. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous nous réjouissons tout simplement et nous sommes heureux et croyons qu'un jour nous entendrons un bruit. Hein? Voilà ce à quoi nous attendons. Un jour nous entendrons un bruit venant du ciel. Et alors il viendra. Et son église sera enlevée dans les mains pour aller à sa rencontre et être avec nous. Nous entendrons un bruit venant du ciel. Comme Jean dans Apocalypse 81 avait entendu une voix qui disait « Monte ici !» Comme les deux prophètes témoins d'Apocalypse 11. On a entendu une voix qui disait, un jour, ceux qui sont prêts entendront ce même bruit. Venant du ciel. Et ceux qui ne seront pas prêts ne l'entendront pas du tout. Ils continueront à vivre comme si de rien n'était. Et ceux qui auront entendu la voix du Seigneur appelera eux seront enlevés à sa décharger des choses du monde. Décharger de tout fardeau inutile. Décharger de fausses croyances. Décharger de tous les faux systèmes fabriqués par les religions. Vous devez être comme ça. Vous devez ici. Vous devez la Jésus n'a rien. C'est juste l'homme qui esclavagise son travail. Qui n'assoit pas ici. Prenez les jupes de Jésus. Qui voudrait bien prendre ça? Moi, je lève mes mains. Seigneur, vois mes mains. Et moi aussi, ces mains. Pour ceux qui veulent prendre ton jour. Et d'où? Le fardeau de Jésus est léger. Ça te permettra de courir avec persévérance dans la carrière de foi qui s'est ouverte. Courir vers la victoire finale. Par un coup sûr, Jésus revient bientôt. Nous sommes dans l'attente, dans l'expectative d'un miracle. Le miracle de l'enlèvement qui se produira bientôt. Préparons-nous. Mettons-nous debout pour la prière. Comme Dieu est bon et merveilleux. Gloire à son nom pour toujours. Je vais vous rappeler de ça. La belle mélodie. Le vieux cantique inspiré. Moca por le pesquisas, esalina de color. La folle main. Moca te awana mokili, amonikita. Ona moca, moca oyotita. Manapate ye moko, o ye to ye ne poligo nantame, atonde nari peta, o namboka namboka o yoshita, manapate manapate ye moko. Oh, you so yeah, neboli gona gambe, atone nali pena, unako, nantembo eko salapei, nantese na pomo, siko unako, na epale na mo. Oh, yes, I am. iras. Oh là là, mort. Oh mais, attention, espératrice, l'agneau lui-même est dans cette dépose italienne. La nouvelle guerre, la reine. Ah la la la, à l'amour des dieux éclairs. Les dieux éclairs, et à l'agneau lui-même. L'agneau lui-même est dans cette dépose italienne. Là où la gloire apporte. C'est là où la gloire apporte. Et la terre, là où la terre est belle. Pour le peuple, oh, le peuple est une onde. Et c'est pour cette entrée. Ah la la la. Oh, prions chacun. Un petit mot de prière. Merci à Dieu. Il nous prépare à ce grand miracle de l'enlèvement. Déchargeant des choses du monde. Tous les fardeaux insignifiants. Les exigences purement humaines. Les obligations qui ne viennent pas du Seigneur. Et Dieu nous décharge. Nous rend libres. Nous mettre à ses pieds. C'est le départ. Et tous les amis de la terre restent. Tous les embarras de cette terre. Nous serons libérés pour toujours. Allez, Jésus qui a baissé son symbole. Oh, ils ont un mot de prière chacun. Puisque le Sauveur m'appellera, j'entendrai et je répondrai. Lorsqu'il appelle, je répondrai. Je serai quelque part pour entendre mon. Oh, je serai quelque part. Amen. Quelque part. Pour entendre mon nom, je serai quelque part, amen. Quelque part, quelque part là, pour entendre mon nom. Si mon cœur croit quand il m'appelle, si mon cœur croit, j'entendrai. Si mon cœur est droit, quand il m'appelle, je serai quelque part pour entendre mon. Ah oui, je serai quelque part. Amen. Quelque part. Quelque part là, pour entendre mon nom, je serai quelque part. Amen. Et quelque part là, pour entendre mon nom. Si ma robe est blanche quand il m'appelle, si ma robe est blanche, j'entendrai. Si ma robe est blanche quand il m'appelle, je serai quelque part pour entendre. Ah oui, j'essaierai quelque part. Alléluia. Quelque part, amen, quelque part là, pour entendre les mots. Eh oui, j'essaierai quelque part, amen, quelque part. Quelque part là, pour entendre mon nom. Dieu croit qu'il en sera ici. Que ça ne t'échappera pas. Que tu ne rateras pas ce miracle dans les bras. Par la grâce de Jésus ton Sauveur. Il est ton unique espérance. Que son nom soit béni dans ton cœur. Qu'elle soit adorée toute ta vie. Qu'elle soit servie tous les jours de ta vie. Dieu merveilleux. Celui que nous aimons sans la barbe. Aimez-les toujours. Aimez-les encore. Aimons-les beaucoup. Aimons-les davantage. Aimons-les chaque fois. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci pour ce moment de prière et d'adoration. Nous ne prierons jamais assez. Nous ne déborderons jamais en prière. Ton message nous enseigne. Parce que tu nous as dit, priez sans cesse. Veillez et priez tout le temps. Oh Père, le peu que nous avons essayé de t'offrir, pendant ces quelques heures, nous prions que tu l'agrèves. Que tu exauces des cieux. Que tu confirmes tes promesses. Que tu visites chacun. Que tu apportes la grâce de Dieu pour faire prospérer chacun à tous égards et en bonne santé. Que tous les fardeaux inutiles soient évacués au nom de Jésus. Toutes les choses insignifiantes de la religiosité, de tous les liens infernaux, tous les systèmes démoniaques, toutes les histoires inutiles. Seigneur, nous voulons en être délivrés. Nous voulons porter ton joug à toi, qui est doux comme tu nous as et ton fardeau qui est léger, mais laisser chacun, et que nous sentions la joie des esprits, que cet amour du Seigneur s'accroisse. Que nous puissions t'aimer plus que tout. Plus que tout homme. Plus que toute femme. Plus que tout garçon. Plus que toute fille. Et ne garder que ta parole. Et développer le caractère de la parole. La personnalité de la parole. Donne-la à chacun de nous dans Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Et développe en chacun de nous les bonnes attitudes. Les attitudes chrétiennes. Attitude de la parole. Devant chaque situation, devant chaque épreuve, devant tout problème, devant tout défi, devant chaque démon, nous voulons afficher la bonne attitude. Ce message nous a appris que nous ne nous chassons jamais un démon par une mauvaise attitude. Il nous faut la bonne attitude. Et c'est l'amour du Père. C'est l'amour, Seigneur. C'est pas l'amour dans nos cœurs. L'amour du Père, l'amour d'en haut. Envahisse nos cœurs. Conduis les pas de chacun vers la perfection. Pour être agréable à Dieu tous les jours de notre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je recommande chacun de nous en train pour le moment de retour à domicile. Tu es le bon gardien. Nous n'étions pas venus pour nous saouler. Il y en a qui se saoulent. Et qui rentre chez eux. Même avec l'imprécision de la vision. Ils atteignent leur maison sans être inquiétés par qui. Ni connaître un accident. Que ne vas-tu pas donner à ceux qui viennent t'adorer? Sacrifie ce temps pour supplier. Seigneur, il y a la bénédiction. Nous sommes bénis de le faire. Et rassurés d'être sécurisés. Jusque dans nos domiciles. Il en soit ici, Père. Souviens-toi de notre sœur Sarah, qui est souffrante à l'hôpital. Elle est retenue à l'hôpital Roi Baudin aujourd'hui. L'hôpital Roi Baudin, et guéris-la, Seigneur. Alors qu'on a parlé d'une forte malaria, tu es le grand médecin, tu guéris parfaitement, restaure ta santé. Et souviens-toi aussi de ces petits-enfants dont certains ont ces malaises, pour les guérir complètement, Seigneur. Brise les liens de la domination, les liens de ténèbres de sataniques. Essaye de déranger des enfants. Brise-les au nom de Jésus-Christ. Exauce aussi la prière de chacun de nous, Seigneur, dans la foi au Dieu vivant. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Veuillez ce soir et que tu le bénisses richement.